la solution idéale à la débauche anale, à la surpopulation inquiétante des Africains. Moi, j'y vois ce spectre immonde décimant les affamés. J'y vois un serpent insidieux décourageant les amoureux et sanctionnant l'individu dissipé ou averti. Mais si l'immunité dépendait de l'amour, serions imparablement et dûment affranchis du SIDA, SIDA, SIDA, SIDA. Mais le silence induit la détresse des âmes. Suffisamment informés, déjà affirmons la scandaleuse incompétence de dirigeants arrogants, l'insuffisante inhumanité de décideurs assassins qui succomberont incontournablement devant l'activisme salvateur d'insurgés, demandant aux autorités la sauvegarde inconditionnelle du droit d'asile, la suppression immédiate de la dette accumulée, ces satanés et injustes dividendes amassés, satanés et injustes dividendes amassés. Mais seule l'indifférence dégomme l'Afrique. Seule l'indifférence détruit l'Afrique. Seule l'indifférence dégomme l'Afrique. Seul le fric donne secourance à la santé, à l'espérance. Mais une décade de décadence n'empêchera pas de danser ce continent qui penche du mauvais côté, acculé par ces enculés de la Banque mondiale qui s'entête à l'endetter. Oui, c'est un crime, mais c'est ainsi que l'État tique à faire poser les toubibs. La bonne tactique pour faire appliquer les toubabs, tant bien que mal, les campagnes se vident, réalité sordide, le patience prend un vent et la santé un bide. Alors on accuse le mauvais sort, les fausses idées fusent, se fige, moi je fustige, l'avant est ton sort, oui, je crie fort pour que tu piges, que t'es pas encore mort, alors lève-toi, comme cette hécatombe, lève-toi, ton ignorance creuse ta tombe, la connaissance est une bombe, qu'on te pose entre les mains, qu'explosera la face du virus avant plein qui, d'Afrique, d'Amérique en Asie, joue avec nos vies, comme à la roulette russe, attends c'est pas fini. Attends c'est pas fini, je clame les capotes gratos pour tous les potos et je réclame l'accès aux méthodes pour tous avant qu'on place. Merci.